بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من اتبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد. طيب في درس الماضين أخذنا ماذا؟ كلام الله. كلام الله. نعم. أن الكلام من صفات الله ومن صفات الله سبحانه وتعالى. سلوك الياء دليل الكتاب والسنة إجماع السلف. Et qui parle avec une voix, un son et des lettres. Et il parle à qui il veut. Comme il veut même. Bada hada. Natroul fi fasl fi le Coran al-Karim. Qui est le troisième point de cette risala. Depuis le début, on n'a pas trop cité les points. Là, c'est le treizième, celui-là. Faslun fi al-Qur'an al-Karim. À propos du Qur'an. Comme tu sais, il y a eu une grande fitna dans cette masala qui s'est passée à l'époque de l'imam Ahmed. Rahimahullah ta'ala. Wa alaykum salam. Et le premier qui a. Parmi les gens apparentés à l'islam qui s'est permis de dire cette parole-là, c'était Jihad ibn Dirham. Et qui lui-même a pris cette dans le sanad, je ne l'ai plus en tête, ça remonte aux juifs. Al-Muhim, c'est l'un des premiers à avoir prôné cette croyance erronée. Naam. La barakallahu fi wa la'anahu Allah. Car il est mort kafir, il a été exécuté. L'histoire, elle n'est pas. Il n'y a pas de sanad thabit, mais elle est mashhoura. Lorsqu'il a été égorgé, le Yomel Eid, pour son kufr. Et à l'époque, c'était Al-Ma'moun, qui a été lui-même éprouvé par les Joulassa et Sou, par une mauvaise fréquentation, un mauvais entourage. Et il tuait tous ceux qui disaient que le Coran n'était pas créé, ou le mettait en prison, ou le torturait. Et parmi ceux qui ont tenu, l'histoire elle est célèbre, l'imam Ahmed, rahmallahu ta'ala. Tamam, il a tenu, il a été emprisonné, il a été torturé, frappé. Et il a tenu. Et également, il y a, comme on avait expliqué, Mohamed ibn Nour, qui lui aussi avait tenu dans la fitna, mais qui est mort en sortant de prison, rahmallahu ta'ala. Et d'autres ulama de la sunna, des imams, qui eux ont craint pour leur personne, qui malheureusement n'ont pas fait face à cette fitna et l'alum mahzurun bab al-ikrah. Mais l'imam Ahmed, il a fait le hajr à certains d'entre eux qui étaient des grands imams du fait qu'ils n'ont pas tenu. Maintenant, le fait qu'il leur a fait le hajr, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont un jarh ou quoi. Ça reste des imams dans la sunna, leur qadr et leur shani les muhtaram. Juste dans ce point-là, ce sont des gens qui n'ont pas tenu comme Ahmed, il a tenu lui. Et lui, de son côté, il a vu de leur faire le hajj pour les réprimander ce qu'ils ont fait. Non pas pour un tabdir ou un tafsir, mais bébés âgés. Mais quoi qu'il en soit, dans ceux qui sont venus, pour nous qui sommes venus après, ces gens-là, leurs droits, ils leur restent. Ce sont des imams, c'est pas parce qu'on dit que Ahmed il a fait le hajj à un tel qu'on ne prend plus son hadith. Ou on a tenaqas min sha'anihi, là. On dit que c'était à son époque qu'il a fait cela. Parce que c'était des mu'assirines, des contemporains, il a voulu les réprimander. Rahimahullah ta'ala. Rahimahum jami'an. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Min kalamillahi ta'ala al-Qur'an al-Karim. Et parmi sa parole d'Allah, il y a le Qur'an al-Karim. Le Qur'an, comme tu le sais, c'est kalam Allah. Donc c'est une de ses sifat. Il n'est pas créé. Wa wa kitabullah al-mubin. حبله المتين وسيرته المستقيم وتنزيله رب العالمين نزل به روح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. Donc c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un immense qui éclaire son chemin droit, qui est descendu de lui-même, qu'il a fait descendre par le Ruh al-Amin, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, dans le cœur du maître des envoyés, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'une langue arabe claire, qu'il est descendu et qu'il n'est pas créé, et que c'est de lui qui vient et c'est vers lui qui reviendra. C'est de lui qu'il vient et c'est vers lui qui retournera. Donc là, من أدلة قوية كان القرآن كلام الله المخلوق قل الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فمنه حتى يسمع كلام الله si jamais un des mouchriquin a tellement de protection alors plutôt tout le monde que tu le réfugies réfugie-le afin qu'il entende la parole d'Allah c'est-à-dire le Coran également قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان لعبده celui qui fait descendre le fourqan, ce sont ses serviteurs. Et le fourqan, c'est Ismun Asma al-Qur'an. Wa qala Cheikh Othaymin kadhalik fi kulli 'azza wa jalla ala lahu al-khalq wa al-amr. N'est-ce pas à lui que la création et le décret? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé entre le khalq et l'amr, que ne sont pas deux choses similaires. D'accord, le décret. Et justement le Qur'an min amri Allah. Le Coran fait partie de son décret, comme a dit Allah Azza wa Jalla, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est comme cela que nous t'avons révélé un souffle ruhan de notre décret, quoi, en fait. C'est-à-dire, il parle du Coran. وَقَالَ Allah Azza wa Jalla, ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ. C'est le décret d'Allah qui vous a fait descendre. Donc, le kalam d'Allah, c'est une de ses sifat qui n'est pas makhlouq. D'où la mas'ala qui lui permet de jurer par le Coran. Car c'est une sifat illah. Thumma qala al-mu'allif, wa huwa suwarun muhkamatun, wa ayatun bayyinatun, wa hurufun wa kalimatun, man qara'ahu wa a'rabahu falahu bi kulli harfin 'ashru hasanatin. له أول وآخر وأجزاء وأبعاد ومتلوه بألسنة محفوظ في الصدور مسموه بالأذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي وقال عز وجل لا يأتيه الباطل مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. Donc il contient des sourates qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont claires, effectives, et des versets clairs, kadhalik, des lettres ainsi que des mots. Et celui qui le lit, le médite et le lit bien, il aura combien pour chaque lettre prononcée 10 hasanat. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اقول ان الف لام ميم حرف بل الف حرف لام حرف ميم حرف quand tu dis alif lam mim au début de certaines sourates comme celle de al-baqara مثلا les trois ensemble c'est pas un harf c'est chacune un harf alif c'est un harf lam c'est un harf et mim c'est un harf donc le Coran il a un début il a une fin كذلك début de révélation et une fin de révélation. Il est récité par les langues, il est mémorisé dans les poitrines, il est entendu par les oreilles, il est écrit dans les masahif, et il a des versets effectifs clairs et d'autres à équivoque. Il a des versets abrogeants et abrogés. Il a des versets spécifiques et des versets généraux. Et il a des obligations et des interdictions. Et dans le sens où Allah a dit que le faux ne peut l'atteindre ni de devant ni de derrière, qu'il est une descente du sage et du loué. وقال الله عز وجل كل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. Donc il a dit عز وجل dans le sens que si jamais même les djinns et les ins se réunissaient pour venir avec ce même Coran, ils ne pourraient apporter le même si c'est s'entraider les uns les autres. Donc c'est un livre en arabe celui au propos duquel les kuffars ils ont dit nous ne croirons pas en ce Coran. Nous ne croirons pas en ce Coran. Donc le Coran, c'est le kalam d'Allah, ces versets te démontrent qu'il n'est pas possible à la créature d'en faire un semblable. Tu pourrais apporter les plus grands fosaha, même parmi les djinns, parmi les plus puissants des djinns, ils ne pourront pas apporter ce livre. Cela n'est pas possible. Maintenant, souvent on entend des gens quand ils font da'wah, ils disent le Coran, il a plein de miracles, des paroles prodigieuses. On dit non, c'est vrai, ça c'est clair. Le problème, c'est que ceux qui parlent souvent comme ça, ils l'écrivent en français. Et parmi justement les miracles du Coran, ça fasaha, son éloquence. En français, tu ne peux pas la ressentir. Les gens citent des faits dans le Coran qui sont cités, qui ont été découverts par la suite, non, qui n'auraient pas été pu être connaître à l'époque par un homme comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui à la base ne savait ni lire ni écrire. Donc c'est parmi les miracles. Mais parmi les choses qui font que beaucoup de gens à son époque ont été touchés par le Coran, ils disaient que c'était un poète, que c'est un fou, que c'est un sorcier, c'était à cause de quoi? De l'éloquence de ce livre. Car les Arabes de l'époque, comme tu le sais, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait des messagers à leur époque avec les choses qui étaient prodigieuses. Mais celle de Moussa alayhi salam, son époque, c'était quoi? La sorcellerie. Donc il envoyait Moussa avec ses miracles devant les sorciers de Pharaon pour montrer que c'est pas la sorcellerie, ça. Ça, c'est des miracles. Mais celle d'Isa alayhi salam, c'était la médecine à son époque. Donc il a fait quoi? Revivre des morts, guérir des grandes maladies, pour leur montrer que ceci ce n'est pas de la médecine, ce sont des miracles. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, les Arabes, c'était des gens très éloquents. La poésie, on le parlait. Ils faisaient des poésies comme ça en improvisant. Et certains écoutaient et mémorisaient directement. Donc le Coran est venu avec une éloquence encore surhumaine, qu'il aurait été impossible de pouvoir reproduire. Donc quand ils écoutaient, ils disaient, mais lui, c'est un sorcier. Ou c'est un poète. Et fil haqiqa, c'était kalamullah. Rien de tout cela. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les a plusieurs fois mis au défi de rapporter ne serait-ce qu'une lettre. Ils ne peuvent pas. Waqala al-mu'allif. Waqala ba'duhum inna hadha illa qawlu bashar. Que certains ont dit, cela n'est qu'une parole d'un être humain. Parce qu'ils n'ont pas voulu accepter. وقال الله سبحانه وتعالى سأصليه السقر. C'est-à-dire pour ceux qui diraient que c'est une parole d'un être humain, donc une parole créée, Allah va le mettre au feu. Ce qui prouve que dire que le Coran c'est les makhlouk, c'est du kufr. C'est du kufr. Et ceux qui disent qu'ils sont des waqifa, ceux qui s'abstiennent de dire créé ou pas créé, eux c'est le mubtadi'a. Et également l'imam Bukhari avait été éprouvé par cette mas'ala-là, par des gens qui ont voulu faire croire, qui disaient que le Coran était makhlouk. D'accord. Et bien évidemment, l'imam Bukhari est parmi les imams de la sunna. Il était loin de cette croyance-là. وَقَالَ بَعْدُهُمْ وَشِعْرٌ comme on l'a dit. Certains ont dit que c'est la poésie. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَّمْنَا وَشِعْرٌ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنُوا وَإِلَيْهِ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Alors il a dit quoi pour répondre à ces gens-là? Nous ne devons pas enseigner la poésie. Et cela ne convient pas. Mais ce n'est qu'un rappel et un Coran mubin. Coran, ça veut dire quoi en arabe? Lecture. Lecture. C'est un masdar de qara'a yaqra'u. Et là, c'est un tambi. Les gens qui disent Coran, ça c'est un tahrif lafzi. On ne dit pas Coran. Ça n'a rien à voir. Tu l'appelles comme il s'appelle. Car c'est une sifat d'Allah. Donc tu ne viens pas, tu changes le mot, tu le prononces mal. Coran, il n'y a pas. Tu le dis en phonétique avec une translation phonétique à la française. Le Coran, c'est le Coran. En disant Coran, tu altères le mot. Est-ce qu'on dit pareil pour les autres sifats d'Allah? Maintenant, des gens, ils ont du mal à prononcer certaines huruf, certaines lettres. D'accord? Il ne faut pas que les gens s'habituent à dire Coran, comme si le Coran, c'est en soi. Quand je me rappelle, avant, je disais justement dans le Coran, quand j'avais en français, dès que certains savants avaient autorisé de dire Coran parce que kaza et kaza et kaza. Je ne me rappelle pas ce savant-là. Est-ce qu'on l'a fait nazar? Ah la sifat, une sifat illa. On n'a pas arrivé, on change de terme comme ça. Car le mot il change, ce n'est plus la même chose. Ça n'a plus la même signification. ثم قال فلما نفى الله عنه أنه شيعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي اللب في أن القرآن والكتاب العربي الذي وكلمات وحروف وآيات لأنما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. Donc une fois que Allah a bien montré que ce n'est pas de la poésie et qu'il a confirmé que c'est un Coran, une récitation, une lecture, il ne restait aucune ambiguïté aux dotés d'intelligence. Que ce Coran, c'est un livre en arabe qui contient des mots, des lettres, des versets, car ce qui n'est pas de la sorte, personne ne peut dire que c'est de la poésie. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Que si jamais vous êtes dans le doute de ce que nous avons fait descendre à notre serviteur, alors venez qu'une sourate équivalente. Même بسورة من مثله, une sourate équivalente. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى وما لا يعقل. Qu'il n'est pas possible que Allah les mette au défi de ramener une chose qui n'est pas concevable et qui n'est pas connue. S'ils nous demandent de faire pareil, c'est que c'est une chose qu'ils connaissent et qu'ils ont cerné. Donc là, les amis, au défi, apportez la même chose si vous pouvez. Chose qui n'est pas possible. Wa qala Allah ta'ala wa iza tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghayra hadha aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Que lorsque nos versets leur sont récités, clairs, ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer, ils disent, viens avec un autre Coran que celui-ci, ou change-le. Et il dit, dis alors qu'il ne me revient pas de le changer de moi-même. فَأَثْبَتَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْآيَاتَ الَّتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ. Donc là, il a confirmé dans ce verset, que le Coran sont les dans ce verset, que ce Coran, ce sont des versets qui vous sont récités. Et là, ce verset-là, en même temps, c'est un rod à ceux qui veulent changer les choses qui sont liées au Coran. Comme tu le sais, t'as des gens aujourd'hui qui se disent musulmans et ils ont ce fikr de vouloir apporter autre chose, de pouvoir de remettre en question les versets, leur compréhension, leur interprétation. D'accord ? Hazan tabik alayhim tamaman, hadil aya. Car ils disent, change-le, on ne peut pas le changer. Comme on ne peut pas changer, qu'est-ce qu'ils font ? On l'interprète différemment. On l'interprète différemment. Car le Coran, il est protégé. Inna nahnu nazzalna zikr, inna lahu lahafizun. C'est nous donc, qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes protecteurs. Le Coran, tu ne pourras pas le changer. Car des gens disent justement, comment se fait que le Coran, il a été écrit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas par lui-même, après il a été rassemblé dans des masahif à l'époque de Abou Bakr al-Siddiq, Ali al-Zalika, et après il a été réuni en un seul mushaf unique à l'époque de Rothman. Qu'est-ce qui nous dit qu'entre-temps il n'y a pas eu du changement ? On dit ce verset. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. Ce verset-là, que c'est Allah qui l'a fait descendre, c'est lui qui le protège. Donc, tu ne crois pas que le Coran a été. Tu crois que le Coran est altérable et modifiable ? Tu dément ce verset, donc tu m'écrois en faisant cela. Et ça, c'est la aqidah de qui ? Des Rawafid. Les Rafidans, ils disent que le Coran qu'on a nous actuellement là avec nous, le Mushaf qui est avec nous là, il est incomplet. Il manque des sourates. Et que le vrai c'est le Coran, le Mushaf al-Fatimi, que soi-disant eux ils auraient. Et que Jibril s'est trompé. Qu'à la base il devait apporter le Salah à Ali. Tout ça c'est du kufr. Donc quelqu'un qui te dit que le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'a pas été changé, comme on dirait pour la Bible, mathalan, on dit ce verset. Tu n'y crois pas, tu démens un seul verset. Comme cela va arriver, c'est du kufr. Allah, son livre, il ne peut pas le protéger. Qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toute chose, qui redonne la vie à la mort. Et c'est sa parole à lui, c'est le sifat. C'est pas une chose, c'est pas une créature. Allah ne peut pas protéger sa propre parole. Ça, c'est une parole, elle est grave. Très, très grave. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى بل وآية بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالمون. Que ce sont des versets clairs dans les poitrines de ceux qui ont eu la science. Et que personne ne renie nos versets si ce n'est les injustes. Et ça revient à ce qu'on vient de dire à l'instant. Celui qui dit que le Coran n'a pas avoir été changé. Donc, on peut nous-mêmes le remettre en question. هذه الآية رد عليهم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. Que c'est certes un Coran noble dans un livre protégé. بعد أن أقسم على ذلك. Après qu'il ait juré sur cela. وقال تعالى كاها يا عين صاد، وقال تعالى حاميم، وقال عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. Donc là c'est que Allah SWT a ouvert, a débuté 29 de ce soir avec les lettres. Comme tu le sais, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ughail, Zalik Ibn al-Huruf. Et après dans Tafsir Ibn Kathir, il cite à différents, comme j'ai noté, différentes paroles par rapport à ces huruf. Qu'il y a eu un khilaf par rapport à ces huruf, différents aqwal, quelles sont-elles? Bidou Tarjih, Inama Azkour, Al-Aziz Akarawa, sans dire quelle est la vie le plus. Parmi les calls qui ont été dit par rapport à ces huruf al-Muqatta'a, il a été apporté des Khurafa al-Rashidun, de Abu Bakr, et de Omar, et de Ali, et de Othman. إِيَّا مِمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ فَرَدُّهَا عِلْمَهَا إِلَيْهِ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا. Ce sont des choses que Allah a gardées auprès de lui dans sa science. Donc eux, ils ont envoyé cela vers lui, en disant on ne sait pas. Et ça, c'est une chose rapportée par le Qurtubi. كَذَلِكْ قِيلَ أَنَا أَسْمَ السُّوَرْ. Les noms de Suwar, des sourates. قِيلَ فواتيح افتتح الله بها القرآن. Ce sont des clés par lesquelles Allah a débuté ses sourates dans le Coran. قيل كذلك أنا اسم من أسماء القرآن. Ce sont des noms parmi les noms du Coran, ces حروف. وكذلك قيل أنها من أسماء الله. Ce sont des noms parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى. Ou huruf min asma'ihi, des lettres parmi ces lettres de ces noms. Wa fawatih asma'ihi min asma'ihi ou min asma'ihi, des ouvertures de ces noms ou quels sont de ces noms. Et Cheikh Othaymin dans son charh de Ma'aqid al-Fusul dans Usul al-Fiqh, il parle de ce sujet-là. Déjà, il dit qu'il faut, lui, il voit qu'il ne faut pas dire huruf muqatta'a, il faut dire huruf hija'iyya. Son avis, hija'iyya. Après, il a dit quoi? Il a dit ce sont des choses, ce sont des huruf, des lettres seules, n'ont pas de sens en soi. Tu aurais vu les Arabes, tu leur aurais dit, c'est-à-dire quoi? Alif, il t'aurait dit, ça n'a pas de sens, c'est un harf. Tu rappelles, on avait pris dans Al-Mumtir au début, les huruf sont de deux sortes. حروف المباني وحروف المعاني. Des حروف par lesquels on construit des mots comme celle-ci, et des حروف qui ont un sens comme les حروف الجار, حروف الجزم, حروف التوكيد. D'accord. Donc là, ce sont des حروف المباني, des lettres par lesquelles on constitue des mots, mais toutes seules en elles-mêmes, elles n'ont pas un sens. Il a dit, donc ces lettres-là en elles-mêmes n'ont pas de sens, toutes seules, comme ça. Alif, en soi, ce n'est pas un mot qui a un sens. Il a dit, maintenant, est-ce que cela veut dire que dans le Coran, il y a des choses qui n'ont pas de sens? Il a dit, là, ça veut dire que ce sont des choses, elles ont une signification, leur présence ont une signification. Dans le Coran, bila shak, il est impossible que Allah, dans le Coran, mette une chose qui n'est pas d'intérêt. Il n'y a pas de laho dans le Coran. Adam mustahil. Dire qu'elles ont un sens, l'aura, oui, non. Mais que leur présence a une signification, hein, la marza, qu'elle est hadanam, bila shak. Lakin hadar tulifafi, zalik. Car on n'a pas de nos spécifique. Et ça rentre dans les choses qui ont dans le Coran. وَمَا يَعْلَمَ تَأْوِيلَهُ إِلَى اللَّهِ. D'accord. Nous, on avait dit dans le Coran, il n'y a pas une chose dont il y ait, personne ne connaît ce sens. Mais dans les choses qui ont un sens, dans les mots, dans les ayats, mais ces hurufs-là, toutes seules, alif tout seul, mim tout seul, ra tout seul, sot tout seul, ce sont des hurufs, des lettres. Une lettre toute seule n'a pas de sens toute seule. D'accord. Mais on le redit, leur présence a une signification. Maintenant, qui l'a su? Est-ce que parmi tous les aqwa qu'on t'a dit, certains sont vrais et d'autres ne le sont pas? Je n'ai pas fait de tarjih. On dit ça sont des aqwa qui ont été dit. La'alla min hadhi al-aqwal طيب واحدا اصاب وبتت بليزيور ايجالمون بوف ات كوركت لو انا سيتي certaines choses il y a d'autres à quoi qu'on t'a dit là seulement certains qu'on cite là maintenant à la tariq à kaza d'autres à quoi l'ont été dit mais leur présence billah chek wa larib elles ont une signification ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأغربه فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح كده دي كسلوكي للقرآن طيب avec une bonne méditation, bonne lecture que pour chaque lettre il aura 10 حسنات et que celui qui le lit mais qui se trompe, qui a du mal à le lire qu'il aura pour chaque lettre une hasanat. Ça, c'est un hadith qui est sahih. Et ça, justement, c'est une consolation. Pour, par exemple, des gens comme nous, la Ajim, qui à la base ne sont pas des Arabes, qui ont du mal à prononcer certaines huruf. Pour ne pas désespérer. Parce que des gens disent, j'arrive pas à prononcer, c'est trop dur, j'arrête. Non, dis, malgré tout, tu as une récompense de ce que tu as fait. D'ailleurs, il y a dans le hadith que celui qui al-mahir bil-Qur'an, ma'a سفر البررة جبل الحديث أكليز أنجها بوشيد الله سبحانه وتعالى والذي يتتعتع في قراءته فله الأجر مرتين إلى دو فوا لا ريكومبونس سادير بوكوا أن بو أفوار لو إي دو أفوار في ليفور دو كونتينيو مالغري تو كار دي جون إي دي فوا لا إي دون با تو موند ني با باغي تا دي جون بلوس دو مال ميم دو بارمي لي زهاب تو سارتان كونو القرآن يزوغو دي مال إي تو أعجمي إلى القرآن فلويد T'as des frères dans le Coran, dans le Tajwid, Nesalen, comme il y en avait des mecs, Ajim, des frères, même qui sont soumis à Allah, qui n'étaient pas des. Dans le Tajwid, maintenant, ce sont des références. Ce sont des références. Comment ils sortent les hurufs et tout. Et même nous, ça, c'est une chose qui nous arrive jusqu'à aujourd'hui, que des fois, des hurufs, on les prononce mal. À la base, ce n'est pas notre langue maternelle. Et ça, c'est un tambi qu'il faut faire à beaucoup de gens qui se moquent des gens pour leur prononciation du Coran, ou même de la langue arabe. Tu vois, des gens disent, regarde, ils ne savent même pas prononcer le ra ou le za ou le kaf, ou qu'ils ont dit. Ah, à la base, c'est quelqu'un, il n'est pas né arabe. Ce sont des hurufs à son nouvel pour lui. Il n'a pas été habitué à ça. Se moquer de lui, pour ce genre de choses, ça, ce n'est pas permis. S'il a des erreurs autre part, toi, mais tu te moques de sa prononciation des hurufs, ça, c'est un truc, ça c'est istizah, c'est une moquerie. Il se peut que demain, Allah l'élève par rapport à toi. Parce que t'en as, il dit ça, ils ont été. Ils ont grandi par rapport à les Arabes qui ont grandi en France. Ils ont grandi en France. Donc, le français le prononce correctement. Nos enfants qui ont grandi au Yémen, là, ils parlent l'arabe encore mieux que beaucoup d'Arabes de France. Parce qu'ils ont grandi là, ils ont été habitués à parler comme ça. Mais demain, tu prends un arabe, Messalène, tu le ramènes en France grand, tu dis apprends le français, tu vas voir comment prononcer les hurufs. Il n'arrivera pas, il aura du mal. On dit c'est pareil, là. Donc, se moquer d'une personne, même un arabe, on dit qu'il n'a pas connu la langue arabe. T'en as des arabes, ils ont grandi, ils n'ont pas connu l'arabe. Après, ils apprennent la langue arabe, ils ont du mal à prononcer. C'est le même hukm. On ne faut pas se moquer d'eux pour ça. Vous voyez, dire Foulen, il ne sait même pas prononcer le kaf, la honte. On dit là, c'est pas la honte. S'il fait l'effort pour apprendre, c'est pas la honte. Et dans le Coran, Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a deux fois l'âge. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus qu'il se mette en avant face à celui qui connaît. Fahimt? Genre, il ne sait pas faire il ne connaît pas les hurufs et il veut donner des cours de tajwid. On va dire non, ça, mais là, c'est là, mais là, chèque. D'accord? Ou alors, t'évites les hurufs. T'évites, Mathalène. Il y avait qui? Il y avait un homme parmi les anciens qui était extrêmement éloquent. Et il y avait un harf, je ne sais plus c'est lequel. C'était peut-être de Montazila, ou je ne sais plus c'est lequel. Et il y avait un harf. C'est un arabe pourtant, il n'avait pas le prononcé comme il se doit. Il prononçait mal. Et des gens, ils ont voulu on va dire, l'humilier un peu devant tout le monde. Ils ont dit, il va faire la khutba et tout, à tel endroit et tout. Tu vois. Mais leur but, c'est pas qu'ils fassent une khutba pour profiter, c'est pour que les gens entendent comment ils parlent mal. Il est arrivé, il a fait une khutba, il n'a pas prononcé un seul mot avec la lettre qu'il n'arrivait pas à prononcer. Il a fait une khutba entière sans prononcer un seul mot avec la lettre qu'il n'avait pas à prononcer. Je ne me rappelle plus c'est qui. L'histoire, elle est faite, elle est connue. Il était intelligent, c'est un homme très intelligent. Il a vu le piège arriver, il a dit Il est venu faire une khutba. Et en plus, c'était Kowi. Il n'y a pas un seul mot. T'imagines, demain, on te dit fais un discours. Et par exemple, tu n'arrives pas à dire le S. Tu as juste sur la langue, par exemple. Tu fais un discours entier sans S. C'est-à-dire, tu arrives à réfléchir à des mots que tu vas dire. Il n'y en a pas un seul qui a un S. C'est un truc à agib, ça. Non. Ça, c'est un tanbih, ne pas se moquer des gens, d'accord, du fait qu'ils n'arrivent pas à prononcer certaines lettres. Il faut les encourager. Maintenant, celui qui a du mal à prononcer aussi également, ce n'est pas seulement en avant, il se fait, je fais des cours de Coran et kaza et kaza et kaza. Mais des fois, ça arrive. La lettre, tu sais bien la prononcer à la base, quand tu médites bien, et des fois, dans l'élan, tu l'as mal prononcé, ça arrive. Une fois, tu as parlé, tu as mal dit un kof, tu as dit kef à la place. Ça donne. Au lieu de dire cool, tu as dit cool. C'est arrivé, parce que tu n'as pas fait attention, parce que tu n'es pas habitué vraiment à ça. On dit sel. Maintenant, si c'est quelqu'un, il n'arrive pas à dire le kof, jamais. Ça l'aide, jamais. Il dit, vous ne manquez pas de lui. Apprenez-lui. Et il se peut des fois, même tu as des Français, tu as des lettres en français, ils n'arrivent pas à les prononcer. Des propres Français, des fois, c'est un handicap sur la langue. Moussa alayhi salam, il a dit qu'il avait du mal à s'exprimer. Wahloul, on a tenu minsani. Après, il y a différentes versions qui sont venues, que sa langue était brûlée petit, ou je ne sais quoi. Filon, il a dit, là, il y a Kada Yubin, celui-là qui n'a même pas s'exprimé en parlant de Moussa alayhi salam, pour se moquer de lui. Ou quoi, il ne s'est même pas parlé. Tu vois, ça, c'est parmi les sifats de l'Ejahili, de se moquer des gens pour leur mauvaise prononciation par rapport à ça. Donc, ça, c'est un tembi, ne pas se moquer des gens pour ça. Et encore moins, quelqu'un, c'est pas un arabe. Qui n'a pas grandi avec cette langue-là, c'est extrêmement dur pour lui. Il y en a qui croient que c'est facile, c'est pas facile. Prononcer des huruf, le zod, c'est une des lettres les plus dures à prononcer en arabe. Surtout quand tu récites. Juste aujourd'hui, des frères, le zod, ils ne savent pas comment prononcer. Est-ce que c'est un del, mufakham, ou est-ce que c'est un va? T'en as, ils ont du mal à prononcer le zod, même parmi les arabes. Omar, il prononçait le zod, sa langue a touché les deux parties des molaires, là et là, en même temps. Qui c'est qui peut faire ça aujourd'hui? Les côtés de sa langue, toucher les molaires, les côtés, les deux côtés. À la base, le zod, t'as un côté qui vient toucher les molaires. Ça ressemble au zod un peu, quand on l'écoute. Que ce soit à droite ou à gauche. Omar, sa langue est touchée les deux molaires des deux côtés en même temps. Essaie de le faire aujourd'hui. Essaie de le faire aujourd'hui. C'est un arabe pur. C'était sa langue. Alors que dire d'un arjami qui n'est pas arabe, avec la langue arabe. Parmi les choses les plus dures pour l'arjami, c'est même pas le nahou, c'est rien que prononcer la langue arabe. Apprendre le holofija, alif batatha, et après bien les prononcer. C'est dur. Et des fois, même quand tu as appris à la prononcer, il se peut que tu te trompes. En parlant comme ça, tu as parlé vite, tu as mal prononcé. Ça arrive. Ça arrive. On ne peut pas se moquer des gens par rapport à ça. Ça t'aime bien. Quoi qu'il en soit, c'est ahadith, shahid, et ces versets sont une tasliya pour dire que même si tu as du mal, persévère et n'écoute pas les gens qui se moquent de toi. Demain, qu'Allah te lève sur eux et qu'il les rabaisse pour autre chose. Thumma qal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ikra'u le Coran qabla an ya'tiya qawmun yuqimun حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم ويتعجلون آخره ولا تأجلونه. Donc il a dit, lisez le Coran avant que ne vienne un peuple qui le liront très très vite. C'est-à-dire, ils vont bien le réciter, mais ne vont pas le méditer. Tu vois, encore ça, c'est un truc qui te montre. Si tu as des frères, ils ont du mal à prononcer. Mais quand ils prononcent, ils s'efforcent et ils méditent. T'en as, ils prononcent très très bien. Mais ils n'ont pas le fahm. Tu vas voir sa prononciation, son autre qu'il n'aime jamais le jiddan. Il aura un tajwid, masha'Allah. Tu n'en as pas aujourd'hui des gens dans le tajwid, chez les ikhwan muslimin, chez ces gens-là. Tajwid, masha'Allah, mais le fahm, le fiqh, sifr, il n'a rien compris au Coran. Sa mujawid, masha'Allah, il a une kira'a avec tous les. L'allah où il arrive, le kira'at kullaha, avec les sanad qui remontent, quand même, mais dans le fahm, dans le din, il est à côté de la plaque totalement. Il n'a rien compris au Coran. Les ma'ani, les sens. Les ibar apprendre, rien compris. C'est Ikhwan Yahi. Qu'est-ce qu'il a compris? Celui qui comprend le Coran, il ne peut pas dire Ikhwan Yahi. Il peut être que Salafi. Il peut être que Salafi. Donc là, des gens viendront à cette époque-là, venant le Coran, et vite même, ils ne vont rien comprendre. Wa qala Abu Bakr wa Omar, radiallahu anhuma, i'rab al-Quran ahabu ilayya min hifz ba'd hurufihi. Le fait de méditer le Coran, de le comprendre, est meilleur pour moi que de comprendre ou de mémoriser certains de ses lettres. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man kafara bi harfin faqad kafara bihi kullihi. Celui qui a écrit un seul harf, c'est même pas un verset ou quoi, c'est un harf. Il a mis tout le Coran. قال واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقان عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف donc les musulmans sont unanimes sur le nombre de sourates du Coran, ces versets, ces mots et ces hurufs, et qu'il n'y a aucune divergence entre eux, que celui qui aura refusé une sourate ou un verset ou un mot ou un harf sur lequel il y a ijma, parce que des fois tu as des karat qui diffèrent, des fois des mots échangent, mais le ma'na il reste le même, mais des mots échangent, lui parle sur lequel il y a ijma et qui renie cela, lui il est kafir. Et ça, c'est parmi les plus grandes hujjah que le Coran, c'est des lettres. Et des mots, et des ayats. Naam. Adha al-lazi akhadna al-yom. Vous voulez prendre le rouya, mais on n'aura pas le temps. On prendra, inshallah, fidèle skadim. Donc le Coran, khurasa, sifatun sifatillah, wa kalamullah, sa parole. Le Coran fait partie de sa parole, car sa parole est plus vaste que le Coran. D'accord ? Et minhu bada wa ilayhi ya'ud, ça veut dire que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et on tournera vers lui à la fin de temps, le Coran va être remonté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mafhoum hadha? Tayyib, ila huna. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.